Marc chapitre 15. Et d'abord, au matin, les principaux sacrificateurs, avec les anciens et les scribes, et tout le consistoire, ayant tenu conseil, firent lier Jésus, et l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea, disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondant, lui dit, « Tu le dis. » Or les principaux sacrificateurs l'accusaient de plusieurs choses, mais il ne répondit rien. Et Pilate l'interrogea encore, disant, « Ne réponds-tu rien ? Vois combien de choses il dépose contre toi. » Mais Jésus ne répondit rien non plus, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or il leur relâchait à la fête un prisonnier, lequel que ce fût qu'ils demandassent. Et il y en avait un, nommé Barabbas, qui était prisonnier avec ses complices pour une sédition, dans laquelle ils avaient commis un meurtre. Et le peuple, criant tout haut, se mit à demander à Pilate, qu'il fît comme il leur avait toujours fait. Mais Pilate leur répondit, en disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car ils savaient bien que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Mais les principaux sacrificateurs, excitèrent le peuple à demander, que plutôt il relâchât Barabbas. Et Pilate répondant, leur dit encore, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent encore, « Crucifie-le !» Alors Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate donc, voulant contenter le peuple, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats l'emmenèrent dans la cour, qui est le prétoire, et toute la cohorte s'étant l'assemblée. Ils le vêtirent d'une robe de pourpre, et ayant fait une couronne d'épines entrelacées l'une dans l'autre, ils la lui mirent sur la tête. Puis ils commencèrent à le saluer, en lui disant, « Nous te saluons, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient contre lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils le dépouillèrent de la robe de pourpre, et le revêtirent de ses habits, et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils contraignirent un certain homme, nommé Simon, Cyrénéen, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs, de porter sa croix. Et ils le menèrent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire, le lieu du crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mixtionné avec de la myrrhe, mais il ne le prit point. Et quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en les jetant au sort pour savoir ce que chacun en aurait. Or il était 3 heures quand ils le crucifièrent. Et les écriteaux contenant la cause de sa condamnation étaient, le roi des Juifs. Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa main droite, et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture, qui dit, et il a été mis au rang des malfaiteurs. Et ceux qui passaient près de là, lui disaient des outrages, branlant la tête, et disant, et, toi, qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même, et descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, se moquant aussi avec les scribes disaient entre eux, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyons et que nous croyons. Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui, lui disaient des outrages. Mais quand il fut 6 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 9 heures. Et à 9 heures Jésus cria à haute voix, disant, « Eloi, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que quelques-uns de ceux qui étaient là présents ayant entendu, ils dirent, « Voilà, il appelle Élie. » Et quelqu'un accourut, qui remplit une éponge de vinaigre, et qui l'ayant mise au bout d'un roseau, lui en donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si elle y viendra pour l'ôter de la croix. » Et Jésus ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier, qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait rendu l'esprit en criant ainsi, dit, « Certainement cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient Marie-Madeleine, et Marie-mère de Jacques le mineur, et de José, et Salomé, qui, lorsqu'il était en Galilée, l'avait suivi, et l'avait servi. Il y avait là aussi plusieurs autres femmes, qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Et le soir étant déjà venu, parce que c'était la préparation qui est avant le sabbat. Joseph d'Arimathée, conseiller honorable, qui attendait aussi le règne de Dieu, s'étant enhardi, vint à Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant appelé le centenier, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Ce qu'ayant appris du centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, et l'enveloppa du linceul, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, puis il roula une pierre sur l'entrée du sépulcre. Et Marie Magdeleine, et Marie mère de Joseph, regardaient où on le mettait.